Chapitre 20e. Le magnétisme venait encore resserrer de jour en jour les liens de cette union. Fritz exerçait sur Pulcherie cette puissance incroyable du magnétiseur qui consiste à changer pour son sujet tous les rapports naturels. Le goût des fruits et l'odeur des fleurs sont soumis à sa volonté. Il n'y a pas jusqu'à la pesanteur des corps dont il ne dérange à son gré les lois souveraines. Il peut donner aux roses la laine des violettes et aux pêches la saveur des noix, comme il peut communiquer à un léger gant de fil d'Écosse le poids d'un gantelet de fer. Tout cela retenait cette jeune fille dans un monde fantastique et arbitraire, où rien n'existait pour elle que l'empire de Fritz. Comme on raconte dans la Bible que Moïse était le dieu de Pharaon, par l'influence qu'il avait acquise sur ce roi en changeant l'eau des citernes en sang et en l'environnant de prodiges, George Fritz devint pour ainsi dire le dieu de Pulcherie. Fritz ne se servait au reste de cette divinité que pour le bonheur de sa créature, car Pulcherie était l'œuvre de George. C'est lui qui avait été la chercher aux confins du néant, où elle se tenait immobile, pour l'entraîner de force vers la vie. Tous les secrets que le magnétisme met à la disposition de ses initiés, tous les talismans par lesquels il établit un commerce intime et indissoluble entre deux cœurs, furent exploités par George et par Pulcherie au profit de leur amour. Absent, George se servait de la nature comme d'une entremetteuse pour faire parvenir à Mademoiselle de B ses pensées les plus secrètes. Il attachait une vertu de révélation aux bancs sur lesquels Pulcherie avait l'habitude de s'asseoir, aux buissons qui bordaient le sentier où elle aimait à se promener, aux sycomores qui jetaient autour de la fenêtre de sa chambre leurs branchages épais et résineux. Tout ce qui existait autour de Pulcherie lui parlait continuellement de George. La création n'était plus qu'un voile sous lequel se couvrait la présence invisible et mystérieuse de son amant. Les arbres, agitant sur sa tête leurs feuilles comme autant de petites langues mobiles et vertes, étaient des confidents qui lui racontaient les sentiments ineffables de ce cœur épris d'elle. Les choses trop tendres que Fritz avait pudeur à dire, il les communiquait de la sorte aux arbres, aux ondes du bassin, aux fleurs, à toute la nature. Ce langage affaibli et voilé alarmait moins que la parole d'une conscience ombrageuse de jeune fille. Le magnétisme a, comme la magie ancienne, des signes et des moyens occultes qui aident les communications à distance. George et Pulcherie en faisaient usage pour se tenir toujours en présence l'un de l'autre. C'était entre eux un échange continuel de cordons sympathiques, de sachets, de tresses de cheveux, de médailles, tous objets que George avait en quelque sorte consacrés. Ces talismans exerçaient sur ces deux cœurs si bien unis la douce féerie de l'amour. Un soir que Pulcherie se promenait seule au jardin, elle avisa une rose qui l'attirait mystérieusement. Elle avança sa main vers cette fleur et l'approcha ensuite de son visage. Mais au même instant, dans la laine embaumée de la rose, elle but un doux sommeil où elle prononça plusieurs fois le nom de George. C'était lui qui s'était communiqué à la rose, afin que Pulcherie le cueillît en quelque sorte et le respira dans cette fleur.